Que dirais-je de la sévérité des jugements? Quel plurirable tribunal y eut-il jamais que celui de l'aréopage, si révéré dans toute la Grèce qu'on disait que les dieux mêmes y avaient comparu? Il a été célèbre dès les premiers temps, et Cécrops apparemment l'avait fondé sur le modèle des tribunaux de l'Égypte. Aucune compagnie n'a conservé si longtemps la réputation de son ancienne sévérité, et l'éloquence trompeuse en a toujours été bannie. Les Grecs, ainsi policés peu à peu, se crurent capables de se gouverner eux-mêmes, et la plupart des villes se formèrent en république. Mais de sages législateurs, qui s'élevèrent en chaque pays, un Thalès, un Pythagore, un Pithacus, un Lycurgue, un Solon, un Philolaus, et tant d'autres que l'histoire marque, empêchèrent que la liberté ne dégénéra en licence. Des lois simplement écrites et en petit nombre tenaient les peuples dans le devoir et les faisaient concourir au bien du pays. L'idée de liberté qu'une telle conduite inspirait était admirable, car la liberté que se figuraient les Grecs était une liberté soumise à la loi, c'est-à-dire à la raison même reconnue par tout le peuple. Ils ne voulaient pas que les hommes eussent du pouvoir parmi eux. Les magistrats, redoutés durant le temps de leur ministère, redevenaient des particuliers qui ne gardaient d'autorité qu'autant que leur en donnait leur expérience. La loi était regardée comme la maîtresse. C'était elle qui établissait les magistrats, qui en réglait le pouvoir et qui enfin châtiait leur mauvaise administration.